« Mon cher Steinbock, » dit le baron avec une grâce infinie de diction et un grand charme de manière quand il fut seul avec l'artiste, « j'ai constitué à mon fils 200 000 francs de dot, desquels le pauvre garçon n'a pas touché 2 liards. Il n'en aura jamais rien. La dot de ma fille sera de 200 000 francs que vous reconnaîtrez avoir reçus. Oui, monsieur le baron. » « Comme vous y allez, » dit le conseiller d'État. « Veuillez m'écouter. On ne peut pas demander à un gendre le dévouement qu'on est en droit d'attendre d'un fils. Mon fils savait tout ce que je pouvais faire et ce que je ferais pour son avenir. Il sera ministre, il trouvera facilement ses 200 000 francs. Quant à vous, jeune homme, c'est autre chose. Vous recevrez 60 000 francs en une inscription 5% sur le grand livre, au nom de votre femme. Cet avoir sera grevé d'une petite rente à faire à Lisbeth, mais elle ne vivra pas longtemps, elle est poitrinaire, je le sais. Ne dites ce secret à personne, que la pauvre fille meure en paix. Ma fille aura un trousseau de 20 000 francs, sa mère y met pour 6 000 francs de ses diamants. Monsieur, vous me comblez, dit Steinbock stupéfait.